Question-réponse sur la leçon. À présent, nous allons savoir si tu as bien compris la leçon. Je vais te poser quelques questions. Écoute-les attentivement et donne-moi la réponse. Première question. Le Coran, c'est la parole de qui? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Deuxième question. Dans quel pays vivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il vivait en Arabie. Troisième question. Les gens au paradis, seront-ils heureux ou malheureux? Ils seront tous heureux et pour toujours. Quatrième question. Comment appelle-t-on les chapitres du Coran? On les appelle les sourates. Cinquième question. Pour chaque lettre du Coran que tu lis, combien de hasanat tu vas gagner? Tu gagneras 10 hasanat pour chaque lettre. Sixième question. Quelle est la langue du Coran? La langue du Coran est l'arabe. Septième et dernière question. Quelle est la seule religion que Allah aime et accepte? La seule religion qu'Allah aime, c'est l'islam.